Le royaume est comme un festin, 10 vierges marchent sur le chemin. Les unes veillent l'aube allumée, d'autres s'endorment, cœur affaibli. À la rencontre de l'époux, prends ta lampe, garde-la vive, car nul ne sait l'heure et le jour. Veille et prie, l'aube arrive. Dans la nuit, un cri retentit, voici l'époux. Sortez amis, les sages dressent leur lumière, mais les folles pleurent sans huile. À la rencontre de l'époux, prends ta lampe, garde la vive, car nul ne sait l'heure et le jour. Veillez, prie l'aube arrive, donnez-nous un peu de huile. Supplie celles qui n'ont rien pris, mais trop tard, la porte est fermée, l'époux est là, c'est accompli. À la rencontre de l'époux, prends ta lampe, garde la vive, car nul ne sait l'heure et le jour. Veillez, prie l'aube arrive. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, crie-t-elle devant la maison. Mais les poules répondent en haut, je ne vous connais, ô troupeau. À la rencontre de l'époux, prends ta lampe, garde la vive, car nul ne sait l'heure et le jour. Veillez, prie l'aube arrive. Ami, veille, le temps s'enfuit, ne dors pas dans l'ombre de la nuit. Prépare ton cœur, sois rempli, car Jésus vient, oh sois béni. À la rencontre de l'époux, prends ta lampe, garde la vive, car nul ne sait l'heure et le jour. Veille et prie l'aube arrive. Oh veille, veille, il vient bientôt, tiens ta lampe et garde là-haut. Dans sa gloire il apparaîtra, heureux celui qui l'attendra. Ne tarde plus, l'heure est venue, prépare-toi, sois résolu. Dans le festin des rachetés, seuls les fidèles vont entrer. Oh veille et veille, il vient bientôt, tiens ta lampe et garde là-haut. Dans sa gloire il apparaîtra, heureux celui qui l'attendra. Oh veille, veille, l'heure est venue, l'époux s'avance, il n'est plus loin. Dans sa gloire il nous reçoit tous, allons à la rencontre. C'est...